J'ai perdu mon temps pour elle. Je veux pas niquer ma vie pour elle. Je me suis auto-détruit pour aider les gens que j'aime. Si je fais le con, je m'en prends qu'à moi. Du coup, ce que t'aimes s'en prenne à toi. Pas la tête à la fête, à fumer, boire. Dites à toutes ces putes qu'elles vont plus me voir. Moi, tu perçois la tombe, mon honneur, je le garde, garde. Faut toujours une arme à la casa. Que ça fait des actions quand y'a du papier en jeu. Ou des belles à la gaza. Trucs qui prennent la compte, va dire qu'avec eux, toi que tu t'es bien veillé. Que tu fais la pute et moi sur toi, je veillais. Que des trahisons pour la monnaie. Ça qu'un jour ou l'autre, tu vas payer. Je vais mettre bien ma main. Tu peux essayer si je veux, tu caves. Ils attendent que je tombe, ils me regardent, maman. Ça veut que je pète un plomb, une arme que je rafale. Je joue pas le héros, je peux pas revenir à zéro. Là, t'as fait l'erreur, ouais. T'as donné mon numéro, t'as bien joué ton numéro. J'ai pas voulu y croire, ouais. Une trahison, un frère, je pleure solo dans le noir. Pour toutes ces putes majeures en l'air, lève même les deux, Marseille et Quai et Palerme. Elle a mon verre qui en faut deux, un manteau volé dans la tête. Armé ça tourne en feu, moi j'mets droit le quad sur la scène. J'suis dans le son, j'fais comme je peux. Pour toutes ces putes majeures en l'air, lève même les deux, Marseille et Quai et Palerme. Elle a mon verre qui en faut deux, un manteau volé dans la tête. Armé ça tourne en feu, moi j'mets droit le quad sur la scène. Tu meurs, tu ris, tu es mal, tu pleures. Je protège mes arrières, toujours avant d'agir. Je suis resté le même avec ou sans. Du coup ça va pas dans les deux sens. Du coup ça trahit et que c'est le sang. Autoroute sous l'air à plus de 200. Moi j'ai pas changé ça depuis l'époque du cartable. Ou de la sacoche dans le bloc. À la fin on fait les comptes, plus personne qui monte. Après le charbon j'ai ma tasse. Faut remonter la pente, faut régler tes comptes. Puis ce que tu dois, hey, yeah. Coup de couteau dans le dos et non t'es pas un vaillant. Ce que t'es devenu, ouais c'est effrayant. Tu vis des retours de flamme, un béguin. Elle a mon verre qui en vaut deux, un manteau volé dans la tête. Armé ça tourne en feu, moi j'mets droit le quad sur la scène. J'suis dans le son, j'fais comme je peux. Pour toutes ces putes majeures en l'air, lève même les deux, Marseille et Quai et Palerme. Elle a mon verre qui en vaut deux, un